4 pour tenir complet. Livré en temps et en heure. Ouais. Et de votre côté, mon cher Aknas, est-ce que vous m'apportez ce que j'ai demandé? Ok. Vous êtes tombé sur un complot qui va beaucoup plus loin que ce que vous pouvez dire. Voilà maintenant un truc que vous verrez plus jamais. Opération coup de poing, je pense, marine de boxe. C'est une missile de nerf 120. Opération coup de poing, opération coup de poing, opération coup de poing, je pense, marine de boxe. Vas-y, balance.